piqûres hors série numéro 2. Salut mes chers épicuriens préférés. Juste une petite capsule rapide pour vous mentionner que j'ai transféré tous mes documents, tous mes fichiers audio sur Google Drive. J'ai placoté avec du monde suite à la fermeture de Balado Québec. Balado Québec, c'est ça, ferme leur porte. Il y en a plusieurs qui sont au courant parmi les podcasteurs. J'en ai parlé dans ma capsule nouveauté du mois de janvier pour les éditions de l'avenir. Excusez, c'est parce qu'il fait frette un peu, fait charnif dans ma voiture. Fait que c'est ça, je voulais juste vous dire que je ne vous ai pas oublié. Donc, j'ai été, pendant la période des fêtes, très occupé à transférer tous mes fichiers. Je crois que ça fonctionne. J'ai encore quelques petites bidouilles à faire. Mais bon, je pense que je vais assez bien m'en sortir au total. Le problème que j'ai actuellement, c'est que j'aimerais ça savoir pas qui télécharge, mais combien que de personnes téléchargent, juste être capable de voir quelques chiffres avec Google Drive actuellement. J'ai pas trouvé. Avec Google Analytics, je dois saturer comme un hostie malade. Ah, les gars. Parce que mon enregistreuse est à conférence. Ah, les gars. Fait que c'est ça. J'ai perdu mon fil d'idée. C'est ça. Fait que là, avec Google Analytics, je comprends pas tout comment ça fonctionne. Avant, c'était la plateforme de Balado Québec qui s'occupait de tout ça. Je vais m'en sortir. Je suis pas inquiet. Fait que c'est ça. J'aurais peut-être essayé de trouver comment faire pour faire fonctionner ça. Je tiens aussi à vous informer que j'ai tout repris mes capsules nouveautés que j'ai faites. Fait que vous allez sûrement voir au cours des prochains jours, des prochaines semaines, beaucoup de production de ma part sur le podcast, parce que j'aimerais ça les rendre disponibles à ceux qui vont vouloir les écouter. Fait que des fois c'est le fun de les écouter un peu hors contexte là, du podcast, avoir juste la capsule nouveauté. Il y en a peut-être qui sont intéressés, donc j'aimerais ça pouvoir vous les mettre disponibles. Surtout les nouveaux auditeurs, j'imagine qu'il y en a qui doivent faire un peu comme moi et reprendre l'ensemble des productions d'un podcast quand il n'y en a pas trop, là. Mais faire un échantillonnage, et puis si c'est intéressant à ce moment-là, ben on télécharge le reste des épisodes pour avoir l'histoire complète du podcast. Fait que c'est un peu ça que je voudrais pouvoir offrir en remettant toutes les capsules nouveautés que j'ai faites. Je vais aussi mettre les textes que moi j'ai faits, maintenant que c'est moi qui gère mon flux, qui gère toutes mes patentes. J'aimerais ça pouvoir tout mettre ça au même endroit, accessible, fait que vraiment Épicure Audio va prendre tout son sens à ce moment-là. Toutes les productions que je produis ou que je fais produire seront incluses au même endroit. Podcast qui va s'en venir sous peu, ça va être concernant Hello. J'ai pas mal de notes. Faut tout que je débroussaille tout ça. J'ai des personnes qui m'ont donné des commentaires à partir de la plateforme de Hello, qui m'ont envoyé des emails. S'il y en a d'autres qui veulent m'en faire parvenir, c'est le bon temps. J'aimerais ça la sortir en fin de compte avant la fin de janvier 2015. Et oui, on est déjà rendu là. Ben c'est ça. Pour tout de suite, là, c'est vraiment, c'est pour ça que je l'appelle hors série. Entre autres, là, s'il y en a qui vont sur le blog ou sur si vous voyez les noms de fichiers, je me suis fait un peu une nomenclature afin de pouvoir suivre les productions que je fais. Donc, en tout cas, à date, là, j'ai CN pour capsule nouveauté. J'ai EPSH pour des épicures qui sont des shoots. Et j'ai des épicures aussi HS qui vont être des hors-série, un peu comme celui-là. Donc, si jamais vous voyez dans vos flux différents noms de fichiers, si vous portez attention, ben à ce moment-là, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui se, ça va être quoi l'épisode. Après ça, ben je vais voir là, pour ceux qui sont des lectures ou des romans que je lis, des textes. Je sais pas encore comment je vais les appeler, là. J'ai pas encore été confronté au problème, mettons. Nonobstant de ça, comment ça se passe pour moi? Tout va bien. Je vous dirais que la période des fêtes, ben j'ai travaillé. Et puis je me suis mis à la plateforme Hello. J'ai vraiment découvert la plateforme la plateforme sociale qui, en tout cas à date, là, ça me convient parfaitement. Il y a des petites choses, des petits irritants, mais je crois que par rapport à ce que je lis, ceux qui étaient là dans les dans le premier boom là, dans le premier gros boom, vous allez si vous retournez faire un tour, je crois que ça a beaucoup changé. Il n'est plus question de rentrer des codes. Oui, il est encore capable dans la machine de Hello est encore capable de prendre des codes HTML. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été facilitées, il y a beaucoup d'émoticônes qui ont été mises, facilement accessibles. Après ça, ben pour pour répondre à des personnes, c'est rendu super facile, c'est très rapide. Et en passant, là, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont décroché parce que la communauté francophone était très difficilement trouvable là-dessus. Quand on arrive en anglais, écoute, il y en a des milliers, puis il y en a beaucoup qui sont apparus et qui sont disparus par la suite, qui sont juste allés faire quelques pauses. Il y en a qui en ont même pas jamais fait. Je vous conseille très fortement d'y retourner sur Hello et d'aller voir dans le fond l'entité qui s'appelle @ledome, L-E-D-O-M-E. Ça a été parti à partir d'une liste d'une chaîne de lettres dans le fond où chaque personne sur Hello en français était amenée à référencer, à suggérer 2-3 autres personnes comme il voulait. Et on s'est vite ramassé avec une quantité phénoménale de personnes. Pas phénoménal, là. Faut s'entendre, là. On est peut-être une centaine, là. Je sais pas, j'ai pas fait de décompte, mais c'est ça. Il y a Lolo Bobo, Lolo Bobo, qui a eu la brillante idée de faire un nouvel usager appelé Le Dôme et où les personnes sont invitées à s'inscrire là-dessus. Donc, si on cherche des personnes qui postent quelquefois en français, ben c'est une bonne place pour donner votre nom. À ce moment-là, ben on voit dans le fond, vous allez faire un commentaire et ajouter tout simplement salut, bonjour, je suis de quel endroit, qu'est-ce que vous faites, vous pouvez écrire un post. Sur Hello, moi, ce que j'aime, entre autres, c'est que, justement, ça nous permet d'avoir des discussions qui sont plus que du Twitter. Il y a un noyau central là qui s'est développé, avec avec mon jouage de podcast là, durant les fêtes, là, j'ai un petit peu moins suivi. Mais c'est le fun parce que tu peux revenir sur des vieux posts, même si ça fait un mois, deux mois, on fait des commentaires là-dessus. Et le monde ne sont pas offusqués qu'on aille autant de retard sur la publication. C'est pas comme sur Twitter là, que Bruce Slack, on se répond un peu à ce qui s'est passé hier, puis il n'y a comme pas personne qui comprend. Là. Puis c'est ça le référencement, je le trouve très facile, très agréable sur Hello. Fait que bon, c'est un peu ça qui m'est arrivé. On s'est acheté aussi une roulotte. Trail Trek Light. C'est le modèle, c'est 182 RBH. On l'a pas encore, on va aller la chercher quand la neige va être fondue, parce que là les garages, une fois montés, ne nous permettent plus de la rentrer. Et de toute façon, il y a des petits traitements qu'on voulait faire, on voulait faire pitcher le dessous, on a fait mettre un clear par dessus, et puis fait que c'est ça, on a réglé ça un petit peu avant les fêtes au mois de décembre. Et justement cet après-midi, j'ai été me magasiner des barres anti-roulement ou en tout cas des rôles, en tout cas des affaires pour que ça se traîne bien. Là. Fait que c'est notre. J'ai bien hâte de l'avoir, c'est sûr que je vais vous en parler. Ça va être un très bel endroit pour moi pour faire des shoots à tour de bras quand on va être dans le cours. Là, ça va faire un très beau studio d'enregistrement. J'en suis sûr et certain. Dans la cave, c'est le fun, là, mais bon, c'est le fun d'avoir une petite place, un petit bureau, une petite ambiance. Hey, reste là, toi. Excusez. Quelqu'un qui se présentait le nez de son entrée. Ben, c'est ça. Là, je commence à être dégelé. Là, la voiture roule depuis un bout. Fait que c'est un petit peu le petit topo que j'avais. Je voulais juste. Puis en même temps, ben, moi, ça me permet de vérifier que mes flux fonctionnent bien. Les petits essais là, que je veux faire pour faire la traçabilité du nombre de téléchargements. En tout cas, s'il y en a qui ont des trucs là-dessus, là, gênez-vous pas. En passant, Épicure Audio, ça fonctionne à peu près partout maintenant. Facebook, Twitter, Hello. Je sais pas s'il y a d'autres plateformes là, ben Google Google Plus là. Il y a toujours JSML 99 qui fonctionne aussi un peu partout, mais si vous voulez communiquer relativement au podcast, ben c'est ça, moi ça permet d'être plus facilement trier et suivre mes communications qui ont plus rapport en fonction de Épicure. Ben, je vous dis ben, joyeux 2015. J'ai bien hâte de refaire un vrai shoot. Et puis c'est ça, je n'ai fait quelques essais, entre autres, justement sur le. J'ai fait quelques-uns sur le vin. La fabrication de vin maison, j'en avais parlé. Malheureusement, ça a toujours viré que j'étais totalement beurré à la fin de mes enregistrements. Ça avait aucun bon sens, puis bon, j'avais pas trop de structure. Faut que je m'écrive des choses, j'essaye, mais je dis que je suis pas capable. Allez, gars, c'est ça. Hein, brasser du vin, ben ça fait un petit peu partie de ce plaisir-là, qu'est-ce que tu veux? Quand on brasse, ben là, hein, puis colle ci, puis colle ça, ben oui, donc une autre bouteille, puis fait qu'en fin de compte, au début, ça part que je sais comme pas trop quoi dire, à la fin, ben ça a plus de sens que ce que je dis. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, gars, c'est moi. J'ai-tu d'autres choses? Parler au balado, ben là, écoute, on s'amuse, c'est rendu un événement que j'attends avec grand plaisir, qui me permet d'être régulier. Ça me permet de rencontrer plusieurs personnes. Je suis de plus en plus à l'aise à parler avec le monde. C'est sûr qu'il y en a avec qui la chimie s'établit plus. Quand ça parle de d'autres choses que de jeux vidéo, mais je suis un petit peu plus. Je suis un petit peu plus à l'aise. Peu importe le sujet, là, quand c'est gamer, là, les autres me surpassent largement et haut la main par rapport à ça. J'ai toujours le même problème, je suis pauvre, fait que non, je suis pas si pauvre que ça, mais en tout cas, investir dans les jeux, j'ai d'autres passions, c'est pour ça que je fais du podcasting. Ma résolution de 2015, interagir beaucoup plus. Ma résolution de 2014, c'était d'intervenir un petit peu plus sur les réseaux sociaux, ce que j'ai fait par période. Mais 2015, j'aimerais ça être plus régulier sur mes productions de podcast. J'aimerais ça pouvoir vous fournir plus de contenu. Personnellement, je trouve qu'il manque de stock là. J'ai pas assez de matériel, fait que j'imagine que vous vivez la même chose. Il y a beaucoup de podcasts qui sont listés là, sur Parlons balado là, sur le site. Là, on est rendu à l'édition 2.0 de la liste de tous les podcasts francophones québécois. Mais j'aimerais ça pouvoir contribuer beaucoup plus à vous fournir du contenu, même si des fois il n'y a pas grand-chose. Juste à le voir, je partais en enregistreuse pour 5 minutes de podcast, puis je sais pas, là, fin compte, on va faire 20-25 minutes. Là. C'est ça le podcasting, hein. Une fois parti, la gueule nous arrête plus. C'est ça, il y a des podcasts, là. Yann Thériault, il en fait un peu moins, c'est ça, il a été très, très occupé avec son show, avec ce show. C'est ça, il a quand même bien viré, c'est plaisant. Il est rendu avec des très bons collaborateurs. Après ça, ben il y en a que j'aimerais ça entendre parler. Là, je me rappelle plus du nom, en tout cas je le rajouterai au montage. Vous allez voir, ça va couper, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. Charles le bassiste de l'école de la vie. J'aimais bien son émission depuis qu'il est parti du bateau, je sais pas là. Le cœur y est moins là, pour le podcasting. Moi qui commençais à le découvrir. Il était peut-être moins aussi régulier que je pensais. Mais ça, il va revenir. Il y en a d'autres. 0-0-3-4-0-0-2-4-2-2-6-9-1-6-9, je sais pas comment il s'appelle. Là. 0-4-2-0, balado 0-4-2-0, balado 0-4-2-0, mon compétiteur pour le slogan que j'avais à l'origine, qui était, lui c'est pour le plaisir, pour moi c'est podcaster juste pour le fun, avec Épicure, c'est ça. C'en est un que. Mais il est plus actualité. Je suis pas très actualité. En tout cas, je n'ai déjà parlé de ça. Fait que c'est ça. Je suis rendu dans mon petit patelin. Il y a PCC de Pierre Journel que j'aime bien écouter aussi. Qui est un peu mon style dans le fond. Lui, il lâche pas, il est plus régulier, puis c'est ça. Après ça, c'est vrai, j'ai commencé à me mettre en forme. J'ai ramassé des vidéos là, de mise en forme. J'avais regardé Insanity. Écoute, je pèse 200 livres. J'ai fumé comme une cheminée un bon bout de ma vie. Je commence à avoir un bon petit bourrelet. il va pire un peu pas mal tout en avant, mais c'est pas grave. C'est ça. Je veux me remettre en forme. Insanity, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop malade. Fait que en lisant sur le net, c'est T25, la solution que j'ai commencé. Je pompe comme un vrai canard, mais c'est pas grave. C'est parti, c'est commencé. À date, j'ai fait 3 séances. Ce soir, j'en fais une autre. Je vais sûrement vous reparler de ça aussi dans les prochaines interventions. Je pense là à date là, je fais 10 minutes là, puis je suis mort. C'est des séances d'entraînement qui durent 25 minutes. C'est ça. En tout cas, à date, là, je suis parti pour toffer, c'est le fun. J'ai toutes les grilles, là, des tableaux qui disent lundi, tu fais tel exercice. Mardi, tu fais tel exercice. C'est plus des vidéos. Avec Sean, je suis plus trop qui. En tout cas, à date, je trouve ça le fun. Je pompe, mais je fais. Mon rythme cardiaque, là, il se tient à peu près à 144 quand je fais ça. C'est peut-être un peu haut, je sais pas trop, je connais rien sur la santé, écoute, je suis en train d'apprendre. Il y a un petit bidule que je voudrais peut-être acheter, là, j'avais un podomètre là, qui s'accrochait, que la compagnie nous a donné, mais c'est un clip, puis ça débarque tout le temps, cette crise de grand-mère-là. Il y a un flex Fitbit. Il y a le flex que j'ai regardé, c'est intéressant. Je connais pas ça non plus, là, mais enfin, j'ai pas de patente. Moi, j'ai pas d'aide patente des compagnies. Là, fait que là, tout ce qui est vraiment là, de suivi de performance qui demande d'avoir un aide patente ou un Samsung, je n'ai pas moi des Samsung puis des aides patentes. Fait que forcément que ça marche juste avec le PC. Puis là, ce que je trouve plate, en tout cas du modèle Flex, c'est qu'il ne prend pas en charge le rythme cardiaque. Puis je pense que, en tout cas, pas dans mon cas, ça serait peut-être une bonne chose que je puisse suivre mes progressions cardiovasculaires. Parce que c'est ça, j'aimerais ça savoir si. En tout cas, au moins ils pourront avoir le tracé, mais que je meure dans le sous-sol. Là. Mais c'est ça, j'aimerais ça avoir une bébelle. Si vous avez des bonnes idées de ce côté-là, là, écoutez, je suis preneur, je suis magasineur actuellement. Je suis un épicurien, fait que j'ai pas de presse, sauf que quand que je vais être décidé, je vais l'acheter. Je magasine, fait que si vous avez des idées à me suggérer, ben gars, je prends ça. Fait que c'est ça, je vire dans l'entrée au play. Bonne année 2015. Je vous fais de plus en plus d'audio. Je vous parle le plus souvent possible dans le poste. Vous allez voir les pauses des capsules nouveautés qui vont passer plus souvent. Puis c'est ça, je continue à essayer d'être plus actif sur les réseaux sociaux. Là, ma blonde, elle trouve ça dur, par exemple. Il y a des fois qu'on. En tout cas, faut que j'apprenne à gérer ça aussi. Je veux pas que ça devienne un problème pour mon couple, pour ma famille. Mais non, ça demande du temps quand t'es pas là toute la journée, puis j'embarque là-dessus juste le soir, puis des fois, bon, je fais des recherches, j'aime ça regarder des petites vidéos, j'aime ça voir mon Facebook, checker mon Hello. Je pitonne pas vite, fait que sur Hello, mais ça me prend une éternité pour écrire. Mais en tout cas. Ciao, ciao! Épicure, il n'y en a pas souvent, mais il y en aura d'autres, assurément. C'est pas mal mon slogan, ça, hein? Salut!